Bonjour mesdames et messieurs fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les principaux titres. De retour au pays après avoir participé à la 35e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, le président Evariste Ndayishimiye a annoncé la réintégration du pays au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au cours de ce journal, vous entendrez les missions de cet organe. La réapparition des adeptes de Zébi dans leur ancien lieu de culte situé sur la colline Boussine dans la province Kayanza inquiète les habitants de cette localité. La chronique santé de ce mardi parle du comportement que devrait avoir une femme enceinte et qui présente des signes sympathiques. Voilà pour les titres. Au micro, c'est Vestine Boutoui. À la cabine technique, c'est Inosa Yoniman. Rebonjour. Peu de femmes et filles adhèrent dans des coopératives en province Mwaro et Muramvya. Certaines d'entre elles expliquent que cette situation serait due à l'autostigmatisation. Et au sein de l'association des femmes rapatriées du Burundi, on dénonce le long processus d'agrément des coopératives et par conséquent, elles demandent au gouvernement d'encourager le leadership féminin. Les précisions de Ndayishimiye. Parmi les jeunes chômeurs, les filles affichent un nombre plus élevé. En province Muramvya, le conseiller chargé du développement, Douayo Emmanuel, annonce que le taux est de 63%. Cette situation est due au fait que les garçons qui terminent leurs études font l'exode rural. Et malgré cet état de fait, le nombre de filles dans les coopératives de cette province demeure restreint. À Mwaro, Jérôme Ndayishimiye, conseiller chargé du développement, déclare que son nombre insuffisant de femmes et de filles s'observe plus dans l'administration de ces coopératives. Une des femmes de la province Mwaro, se trouvant au sein de l'administration de la coopérative Umushingewi Terambere, dénonce l'auto-exclusion des femmes et des filles. La plupart des fois, de par la culture burundaise, la femme s'exclut et dans cette exclusion, nous n'osons pas approcher des gens qui sont groupés. Par exemple ici, chez nous à Mwaro, les gens restent chez eux et ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Au sein de l'association des femmes rapatriées à Frabou, Marie-Concessa Barouike, coordonnatrice, fait savoir que le long processus d'entrée dans les coopératives décourage les femmes. Malheureusement, nous remarquons que les coopératives qui sont dirigées par les femmes sont très peu nombreuses. Pourquoi ? L'entrée dans une coopérative, c'est un long processus. Ça demande une organisation spécifique. Ça demande un leadership spécifique, ça demande un règlement, ça demande beaucoup de choses, ça demande même un agrément des fois. Mais alors, vous savez, les femmes et les filles n'aiment pas des procédures longues. Et elles préfèrent en fait faire des choses qui leur rapportent de revenus très rapidement. Elle demande aux femmes de s'associer et au gouvernement de renforcer les sensibilisations. Nous encourageons ces femmes justement et nous encourageons spécifiquement l'administration, l'autorité locale, à encourager le leadership des femmes dans ces coopératives. Les coopératives ont plus de chances d'avoir des crédits auprès des microfinances que les petites associations. Cela est également le cas au sein de la Banque des Jeunes Biges. Se réunir dans des coopératives pour les femmes et les filles serait une voie vers le développement durable. Merci, Odan Ndayishimiye. Les réfugiés congolais hébergés dans les camps de Musasa et Kinama en province de Muyinga disaient être insatisfaits des aides vivrières données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en sigle. Ils regrettent ne pas parvenir à toucher le bout du mois et ceci plaide pour la majoration de la quantité. Hussein Abdallah, représentant du HCR dans la région nord-est, reconnaît l'insuffisance de la quantité distribuée aux réfugiés. Toutefois, il précise qu'on calcule cette quantité en termes de calories par individu et par jour. Les détails avec Lydie Gaimbari. Ce sont des réfugiés congolais qui sont à Musasa, en commune Kilemba, et ceux qui sont en commune Gasogwe qui déplorent la quantité insuffisante de vivres donnée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des conditions de vie sont insupportables, selon eux. Ici, nous vivons dans des conditions déplorables. Nous sommes mal nourris. On donne des vivres aimés en quantité insuffisante. On donne 3 kilos de riz, 1 kilo de haricots, pas de savon, ni l'huile, ni sel. Il demande au HCR de majorer cette quantité. Le représentant du HCR dans la région du Nord-Est reconnaît cette quantité insuffisante, mais selon lui, les vivres sont calculés en fonction des calories par personne et par jour. Les vivres sont calculés en fonction de l'énergie, donc et calories par personne par jour. S'il y a d'autres choses qui manquent, on leur donne de l'argent pour pouvoir payer ce qui manque. C'est vrai, du point de vue de quantité, ce ne sera jamais suffisant. Mais on fait des efforts avec les partenaires. C'est pour ça que vous voyez, on a créé des usines de savonnerie, on a essayé de faire le jardinage, parce qu'on n'a pas assez de terrain pour faire l'agriculture. Le camp de Moussassa héberge 8000 réfugiés et celui de Kinama héberge 7000 réfugiés congolais. Merci Lydie Gahimbale. La nomination de l'ancien président Domitien Ndayizeye au sein du Conseil des sages de l'Union africaine montre la victoire du Burundi sur le plan international. Lors d'une conférence de presse de ce mardi, président Domitien Ndayizeye a promis de tout faire pour que le Burundi puisse garder cette image. On l'écoute. Le Burundi a gagné du terrain au niveau de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle, pendant tout ce temps, l'appréciation de cette communauté à l'endroit du Burundi est très positive. Et c'est la raison pour laquelle le Burundi a été accueilli avec acclamation au niveau de l'Union africaine et que le Burundi est pris pour un bon exemple à suivre pendant cette période que nous connaissons aujourd'hui et qu'il a été facile d'obtenir que nous soyons parmi les sages de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt l'aboutissement, comme je viens de le dire, d'un processus. Je resterai toujours attentif à mon pays, parce que mon souhait le plus profond, c'est que ce regain de confiance que mon pays a gagné au niveau de la communauté internationale et de l'Union africaine en particulier, devrait aller de l'avant. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est appuyé dans ses actions par le groupe des sages et le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine stipule que le rôle du groupe des sages est consultatif sur toutes les questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, sécurité et de la stabilité en Afrique. C'est au moment où le Burundi a eu encore l'approbation de réintégrer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le contenu de ce protocole avec Jean-Dodieu Irakoze. L'article 2 du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine précise en son alinéa premier que ce conseil est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le deuxième alinéa de cet article montre qu'il est appuyé parmi d'autres par un groupe de sages. L'article 3 de ce protocole montre les objectifs de ce conseil, dont promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines. Et ce conseil a également l'objectif de promouvoir et de mettre en œuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence. Le groupe des sages, quant à lui, est institué par l'article 11, alinéa 1er de ce protocole, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits. Le deuxième alinéa montre la composition de ce groupe, à savoir 5 personnalités africaines hautement respectées qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent. Elles sont sélectionnées par le président de la commission après consultation des États membres concernés sur base de la représentation régionale pour une période de 3 ans. L'alinéa 3 précise que le groupe des sages fournit des services consultatif et sur toutes les questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le groupe de sages entreprend à la demande ou de sa propre initiative les actions jugées appropriées en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité, comme le stipule le 4e alinéa de l'article 11 du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 6 minutes au studio de la radio Isanganiro. Poursuivons ce journal. Des vendeurs du charbon à Mairie de Bujumbura déplorent l'insuffisance et la cherté du charbon. Le coût a été élevé jusqu'à 5 000 francs. Ils pensent que cette situation émanerait de la hausse du prix du carburant. Ces vendeurs demandent au gouvernement de revoir à la baisse les taxes et le prix du carburant. Le point avec Jean-Marie Mayong. Dans différents endroits visités où on va du charbon, le constat est que les places sont presque vides. Il n'y a pas de sacs de charbon en quantité suffisante. Ceux qui vendent ce produit signalent que même ceux qui en trouvent, le sac arrive aujourd'hui à un prix de 48 000 francs burundais. Les prix du charbon deviennent insupportables car le charbon manque à Bujumbura et cela est dû au prix du carburant. Tu peux passer la journée sans en avoir et aujourd'hui le sac arrive à 43 000 francs pour nous les détaillants et à 48 000 francs pour ceux qui les transportent chez eux. Certains acheteurs du charbon et qui l'utilisent dans la cuisson à leur domicile précisent qu'avant la montée des prix, ils achetaient le charbon de 1000 francs et suffisait pour préparer le repas. Mais qu'est-ce aujourd'hui, même s'ils achètent du charbon pour 2000 francs, ne suffit pas. Ils disent que cette situation crée des mésententes avec leurs patrons qui ne comprennent pas pourquoi acheter du charbon pour 2000 francs alors qu'auparavant ils utilisaient 1000 francs. Ces vendeurs du charbon expliquent que la hausse des taxes en cours de route et la hausse des prix du carburant sont parmi les causes de cette manque de ce produit. Tous demandent à l'État de revoir les prix des taxes et du carburant pour faciliter les transporteurs du charbon en ville de Bujumbura et que les nécessiteux en trouvent au prix abordable. Cette situation de hausse du prix par sac de charbon s'observe il y a un mois. Merci Jean-Marie Mayonga. Les habitants de la colline de Businda, commune Gahombo de la province de Kayanza, s'inquiètent du mouvement de va-et-vient, souvent la nuit, des adeptes et des zébis vers leur ancien lieu de culte sur cette colline. Par suite, ils déplorent l'éventuelle insécurité dans cette localité et l'endommagement de leur champ de culture. C'était ce lundi lors d'une séance de dialogue avec le gouverneur provincial. Rémi Tshishai promet une mise en place d'une position militaire sur cette colline pour assurer la sécurité et le contrôle des mouvements de ces personnes. Les détails avec Patrick Sengiumva. Ces mouvements des adeptes et des élus à Gahombo qui ces derniers jours pouvaient être contrôlables ne le sont plus aujourd'hui, comme le précise Sylvestre Nunzonayo, administrateur communal. Cette autorité communale Gahombo indique qu'ils se rassemblent souvent la nuit en provenance de différents coins du pays avec l'objectif de se regrouper dans les anciens lieux de culte qu'ils qualifient et de sang, ajoute cette autorité. Au moment où la population environnante de cette place se plaint comme quoi ces adeptes et des élus endommagent les champs de culture, administrateur de la commune et Gahombo craint que si les mouvements de ces gens ne sont pas maîtrisés, les habitants pourront se faire justice. Une séance de dialogue organisée par le gouverneur de la province Kayanza auprès de la population de Gahombo ce lundi a été une belle occasion pour l'administrateur demander au gouverneur de la province Kayanza d'intervenir pour le maintien de la sécurité à la colline Businde. Cette doléance, Rémi Tshishai, gouverneur de la province Kayanza, promet que l'administration provinciale, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, penseront à la mise en place d'une position militaire pour assurer la sécurité et contrôler le mouvement de ses adeptes des ébis. Le problème lié au conflit foncier est aussi l'un parmi ceux qui hantent la vie de tous les jours de certains habitants de la commune Gahombo, tels qu'ils l'ont exprimé et même son lundi. D'autres ont parlé du problème d'eau potable, surtout en zone éseouée. Ils disent que la Croix-Rouge est intervenue dans l'adduction d'eau potable des puits Tchérésie en commune Mohanga jusqu'en éseouée à Gahombo, mais que témoignent ces gens de Gahombo, aucune goutte d'eau n'est tombée depuis déjà 3 ans. Ils demandent au venir de la province Kayanza de suivre de près cette question. Cette autorité administrative provinciale à Kayanza promet à la population de Gahombo d'y trouver une issue favorable en sa faveur. Depuis Kayanza, Patrick Seiva pour la radio Isanganiro. Quittons la province Kayanza pour nous rendre en province Bururi où le site touristique de la source du Nil, ici en commune Erutovu, fait face au manque d'hôtels pour touristes. Selon un employé de la commune et responsable de ce site, cela freine l'augmentation des recettes communales. Ingénieur Jean-Marie Nyonzima, conseiller de l'administrateur communal chargé des services techniques, informe que les démarches pour la construction d'un hôtel sont en cours. Radio Isanganiro, chronique santé. Une Une femme enceinte qui vomit plus de 2 fois par jour devrait se rendre au strict sanitaire pour le suivi et le traitement. Le gynécologue Innocent Daïkounda évoque l'aggravation de la situation lorsque la femme néglige de se faire soigner quand les signes sympathiques perdurent jusqu'à au troisième trimestre. Ce gynécologue conseille aux femmes d'éviter de manger les aliments trop chauds ou ayant beaucoup d'ingrédients. Les détails de la chronique santé avec Ornella Mouchou. Les signes sympathiques de la grossesse observés les 3 premiers mois ne causent aucun effet négatif à l'enfant. Le gynécologue Innocent Daïkounda signale que si ces signes perdurent au-delà de 3 mois jusqu'à la 3e trimestre de la grossesse, la femme doit se rendre à l'hôpital dans l'immédiat. Le premier volet, c'est les sons et conseils. Il faut conseiller la femme à lui dire que vraiment c'est une situation normale, même si c'est pas si normal que ça. Essayer de lui dire que c'est pas vraiment la fin du monde, que c'est une grossesse, que ça évolue comme ça, que ça va durer pas trop longtemps, juste 2 mois de façon très aiguë, et puis après les 2 mois ça va passer. Et puis essayer aussi de conseiller à la femme de manger de façon répétée, de petites portions de nourriture. Troisième volet, il faut que la femme soit traitée par des médicaments. Si une fois elle vomit vraiment plus de 2 fois par jour, parfois elle a des maux de tête, il faut les soulager. Elle vomit, il faut donner des antivomitifs. Il conseille les femmes enceintes d'éviter les repas trop chauds et très épicés. Le quatrième volet, c'est de conseiller l'entourage. Les accompagnants, le mari, la belle-mère, la mère, leur raconter des bonnes expériences de la grossesse, dire que on a vu une femme qui a fait 7 ou 8 enfants avec des signes sympathiques, mais qui s'en est sortie de façon très brillante. Il faut que ces femmes essaient de manger très peu. On les appelle des petites collations, c'est-à-dire manger 6 fois, 5 fois par jour, des petites portions de bouillie, des petites portions de fruits, éviter des trucs qui sont trop sucrés, éviter des trucs qui sont très épicés, éviter le repas trop chaud. Tout ça, ça va provoquer des nausées et finalement aboutir au vomissement et qui vont rendre la femme très très désespérée parce qu'elle dit « je ne peux pas arriver à manger ». Et une fois que la femme enceinte néglige de se faire soigner en cas de la prolongation des symptômes sympathiques, ça peut conduire à de graves complications. Et aussi ne pas s'accéder à tous les chantages que ces femmes peuvent présenter parce que le plus souvent, si on leur donne trop de soins, leur psychologie risque d'avoir tendance à en profiter et ces signes deviennent trop prononcés. Alors que parfois, si on leur donne juste le nécessaire, ces femmes auront à cohabiter très bien avec ces signes sympathiques. Ce sont des signes, en fait, comme je vous l'ai dit, si on n'y prend pas attention, peuvent conduire à des hospitalisations itératives, parfois même avec survenue de la mort, si on les néglige, tout en essayant de dédramatiser la grossesse. Ne pas prendre la grossesse comme une pathologie, prendre la grossesse comme un état physiologique, c'est-à-dire un état normal. Essayer de sortir de la maison, c'est une femme qui doit chercher à faire pour essayer d'oublier la grossesse. Le gynécologue Innocent Daïkounda conseille les maris dont leurs femmes sont enceintes de les accompagner à l'hôpital, mais aussi les consoler et les comprendre. Merci Ornella Mouchou et c'est par les détails de cette chronique santé que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Ivonimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Auto, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.